connais déjà le scénario. Mon équipe repart avec tes kilos. Petit mais je vois la vie en grand, je suis comme Mario. Sur le terrain réceptif comme Pirlo. Le vice est en moi, donc le sourire en gilon. Ami, ami, je récupère ses filons. Fournisseur dans 13ème, je vais péter du pilon. Les pions ont grandi, c'est ce que les anciens diront. Eh, impliqué, je revendais la CG. Rêve branché, désormais je vends des CD. Le mal m'attire plus que le bien, je vais pas céder. Ancien, j'ai leur marqué sur mon CV, moi. Je fais plus confiance à personne, car désormais j'ai capté leur survie. La même équipe jusqu'à ce que mon heure sonne. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. J'entendais des voix dans la nuit. J'entendais des voix dans la nuit. Comme Elvin William, j'suis dans le team. Comme Elvin William, j'suis dans le team. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. Revends dans la capitale. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. Revends dans la capitale. Le caillou a des taches de rousseur, c'est bon signe. Jack et Daniel m'ont rempli la vessie. Impliqué, je me dois d'appliquer les consignes. 10h, je suis en attaque comme la Vizzi. On revient pas à Mila, juste avec Amélie. Moula dans les piffes et des guillis. Je viens de finir les comptes, c'est carré comme un kiri. Mais j'ai toujours des pépins comme un kiwi. Arma font les bandits de fleuri alors qu'ils sont béton pour des fautes permis. Vrai de vrai, on fait pas plernis. Je lâcherai pas mes potos pour des pots de vernis. On a coupé la saison comme on userait. Pris pour pas voir silhouette de la matinée. Qu'un matin, ça m'étonne. Coup de gars en carbone. On prend plus qu'un violeur quand on charbonne. J'ai les épaules à NC pour assumer tout problème. Et quoi qu'il arrive, j'oublie pas le M qui suit après le cocktail. Et dans la zen, le grade de cocaïne. J'fais les jazz avec mon frère, j'suis comme Kane. Plein fun, tel de balle, c'est nickel. J'suis le numéro 10 comme Obi Mikkel. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. J'entendais des voix dans la nuit. J'entendais des voix dans la nuit. Comme Elvin William, j'suis dans le team. Comme Elvin William, j'suis dans le team. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. Revends dans la capitale. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. Revends dans la capitale. On vient de faire avec des armes de Yougoslavie. On daïque, ça défait, j't'enlève la vie. J'te viscère pas si t'as pas la tête de junkie. Quand j'écris, c'est pas moi, c'est mes jeans qui riche. Tu veux savoir, j'fais rentrer combien tous les mois, hein. T'inquiète pas, y'a des balles, on rase pas tes affaires, j'disparais comme Vega, hein. J'prends tes kills et tes grammes si j'aurais bébard depuis la CP. Ça c'est moi le plus riche de la capitale. Sur le terrain, j'suis le numéro 7. J'distribue ma pasta dans la capitale. Grandis dans un doji, mentalité maudit, jeune bandit vit la nuit. Passer du pousseur à l'audi. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. Y'en a eu des coups de crasse dans ma vie. J'entendais des voix dans la nuit. J'entendais des voix dans la nuit. Comme Elvin William, j'suis dans le team. Comme Elvin William, j'suis dans le team. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'étais grand ma part, j'suis dans le beat. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. Revends dans la capitale. J'récupère la phrase. À 200, on va récupérer la moula. Revends dans la capitale. J'la.